نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Continue inshallah la deuxième partie. Je ne sais pas si on aura le temps de finir. On va essayer d'avancer un maximum. Sur Ar-Risala, Mas'alatul Hajar. Sur la question de l'Hajar, le fait de délaisser quelqu'un ou un groupe. Et on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré une adoration sans qu'il y ait un but précis, qu'il y ait une maslaha, il n'y a que du bien derrière, ou plusieurs biens selon l'adoration. والمقصد الثالث القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Troisième but qui est recherché par le fait de faire le hajar, c'est d'accomplir l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. قال شيخ الإسلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف والنهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة فيجب أن يبتغى به وجه الله وأن يكون مطابقا لأمره مطابقا للأمر. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a mentionné dans Minhaj Sunnah. Qu'est-ce qu'il a dit? Ordonner la Sunnah et interdire l'innovation, c'est ordonner le bien et interdire le mal. Et cela fait partie parmi les meilleures bonnes actions. Parmi les meilleures bonnes actions. Mais qu'il est obligatoire par cela de rechercher le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yani lillahi azza wa jalla. Mukhlisan lillah. De le faire sincèrement. Pour Allah tabaraka wa ta'ala. ومن أدلة الشرع على هذا المقصد قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير قال اللعن بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخر ثم بين سبحانه المعصية والاعتداء بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فأسند الفعل إليهم لكون فاعله من جملتهم مع أنه مقامهم به وإن لم يفعلوه جميعا ثم قال: لأن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه وتعالى وتعدى حدوده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القواعد الإسلامية، من أعظم القواعد الإسلامية وجل الفرائض الشرعية. ولهذا كان تاركه مشاركا للفاعل، يعني من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ ولهذا كان تاركه، يعني تاركه النهي عن المنكر، مشاركا للفاعل أو لفاعل المعصية، ومستحقا لغضب الله ومقته كما وقع لأهل السبت، يعني في زمانهم، في زمان بني إسرائيل، لمعصيتهم. Parmi les preuves qui montrent le fait d'interdire ce blâmable, d'interdire le blâmable, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné à Bani Israël, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. وكانوا لا يتناهون عن منكرين. Qu'est-ce que l'Azza wa Jalla a mentionné sur eux? Pourquoi Daoud et Isa ibn Maryam les ont maudits? Pourquoi? Parce qu'ils n'interdisaient pas le blâmable. Fa'alouhu. Sur le mal qu'ils faisaient. Fa'alouhu. Ici, dans l'aya, dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala a mis ensemble ceux qui font le péché et ceux qui ne l'interdisent pas. Fa'alouhu. Il les a mis ensemble. Il ne parle pas seulement de ceux qui ont commis le péché. Non. Il a mis ensemble ceux qui commettent le péché et ceux qui ne l'ont pas interdit. C'est pour ça qu'il a dit l'Allama Shawkani rahimahullah fi Fath al-Qadir, lorsqu'il a expliqué l'aya, c'est qu'il a expliqué que dans la phrase fa'alouhu, ma'a annahum maqamuhum bihi, parce qu'ils n'ont pas interdit le blâmable, ils ont été comptés dans la phrase comme étant avec ceux qui faisaient al-munkar, qui faisaient le péché. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوهُ جَمِيعًا, même s'ils ne le faisaient pas tous. Mais à partir du moment où une partie commettait le péché et les autres ils les regardaient faire sans rien dire, Allah tabaraka wa ta'ala les a tous unis dans la même punition. Ensuite, il dit Shawkani rahimahullah que c'est une chose grave le fait de délaisser l'obligation qui est d'interdire le blâmable. Celui qui fait ça alors qu'il avait la capacité d'interdire le blâmable, faqad asa Allah subhanahu, il a désobéi à Allah. Il a désobéi à Allah. Wa Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, il a expliqué les conditions d'interdire le blâmable. Et est-ce que c'est toute personne qui peut interdire le blâmable? Awalan, al-ikhlas lillah, la sincérité pour Allah tabaraka wa ta'ala. Thaniyan, al-ilm, deuxièmement il faut la science. Comment tu peux savoir si c'est un munkar sans ilm? Comment tu veux savoir que la chose est blâmable si tu n'as pas la science de ça? Thalithan, ma'rifatul hal. Troisièmement, de connaître la circonstance de la personne. De l'interroger avant d'interdire le blâmable. Rabi'an, quatrièmement, de ne pas faire une fitna plus grande que ce qu'il y a déjà. C'est-à-dire qu'il y a une mafsada, il y a un mal, parce que la personne commet un mal, ou un groupe, ils commettent un mal. Il ne faut pas que toi, une fois que tu es intervenu là-dessus, que le mal s'amplifie, que le mal devienne encore plus grand que ce qu'il y a déjà. Ensuite, il a ramené le dalil de tout ça. Il a ramené le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahih. Dakhala rajulun fi al masjid wa jalasa. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل هل صليت ركعتين يعني تحية المسجد قال لا قال قوم وصلي. Un homme il est rentré dans la mosquée, il s'est assis directement. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a dit as-tu prié les deux rak'at? Donc là il s'informe. Il a vu quelqu'un qui s'est assis directement sans faire tahiyatul masjid. Donc il s'informe. Il ne lui a pas dit directement toi, lève-toi et prie les deux rak'at. Non. C'est d'abord informé. Ma'rifatul hal. Donc il lui a demandé est-ce que tu as prié les deux rak'at? Quand il lui a répondu non, donc ça y est, ça veut dire ça y est, c'est sûr et c'est certain qu'il ne les a pas fait. Là, il le corrige. Et il lui dit, lève-toi et prie les deux rak'at. Donc il s'est informé avant d'ordonner un bien. Donc ordonner le bien et interdire le blâmable, min a'zam al-qawa'id al-islamiyya, ça fait partie des plus grandes règles de l'islam et parmi les plus grandes obligations de la législation révélée par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que celui qui a abandonné cette obligation d'interdire le blâmable, il est compté et il est mélangé vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala avec celui qui a commis le blâmable. S'il le voit, s'il le regarde et il ne dit rien, il ne fait rien, ولهذا كان تاركه مشاركا للفاعل أو لفاعل المعصية. السبب لولا مستحقا لغضب الله. Il sera en droit de recevoir sur lui la colère d'Allah. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي سمعت يحيى بن معين يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله قلت لي يحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد هذا أفضل منه قال نعم بكثير انتهى من السير. الإمام محمد بن يحيى الذهلي il a dit, j'ai entendu Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, c'était parmi les grands savants du hadith à l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Une fois, un homme il est venu et racontait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال avec une chaîne. Il s'amusait à raconter ça à tout le monde. Jusqu'à ce qu'un jour il est arrivé devant deux hommes, deux grands savants du hadith. Et eux, ils ont entendu parler de cet homme qui ramène un hadith. Ils lui ont dit, viens. Ils ont dit, raconte-nous ton hadith, là. Donne la chaîne. Il a dit, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an il nabi sallam, qal kada ou kada ou kada. L'un des deux grands savants, il lui a dit, de qui tu tiens ce hadith? Il a dit, de deux hommes. Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in. Le premier homme, il a regardé le deuxième, il lui a dit, « Samihta hadha al-hadith, ta'arifu hadha al-hadith ?» Il lui a dit, « Tu connais ce hadith ?» قال لا. Il lui dit, moi aussi je ne le connais pas. Il lui a dit, ya akhi, ya rajoul, ana Ahmad ibn Hanbal, wa hadha rajoul Yahya ibn Ma'in. Kadib. C'est un homme en vérité qui s'amusait à amener un hadith, à faire croire qu'il connaissait le hadith et qu'il avait pris le hadith de l'imam Ahmad et de l'imam Yahya ibn Ma'in. Or, ni lui ni l'autre ne connaissent le hadith. Donc il a dit, j'ai entendu Yahya ibn Ma'in qui disait, yani le fait de préserver la sunna, de garder la sunna, de défendre la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il a dit, afdal min al-jihad fi sabilillah. Alors l'imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhri lui a dit, l'homme il se fatigue, il y va, il se fatigue, il dépense ses biens de sa propre personne, il fait des efforts, ça c'est mieux que défendre le sunnah, c'est mieux que ça. Il lui a dit bikathir. Et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Difa' sunnah. Pourquoi? Parce que c'est des efforts constants, c'est tout le temps. Tu as des afkar dans la communauté. Il y a combien de musulmans sur terre? Des millions. Et chaque homme, il a un fikr. Il a des afkar qui circulent en lui. C'est-à-dire, il a des certaines pensées. Foulain, il pense comme ça, Foulain, il pense comme ça, celui-là, il pense comme ça, celui-là, il pense comme ça. Celui qui défend sunnah et al-kitab ou sunnah devant tous ces milliards de afkar qui se baladent dans la communauté. Lui, il n'a qu'une parole contre eux, des milliards d'afkar, des milliards de pensées, de courants de pensées qui circulent. Hatta fil aqida, fil manhaj. Donc ça demande des efforts et c'est constant. Bil ilm. Et combien de shubuhat qui circulent? Hein? Combien de shubuhat d'ambiguïté qui circulent dans la communauté? Il se peut que dans une mosquée elle-même, tu peux trouver des centaines de choubouhettes qui circulent. Si on interroge tout le monde comme ça, tu vas trouver des choubouhettes. Parce que des choubouhettes, il y en a tout le temps. On a toujours des doutes, on entend toujours des choses à droite, à gauche. C'est vrai, c'est pas vrai. Choubouhettes. Et ces choubouhettes-là, on les balaye que par quoi? Bil'il. C'est pour ça, ça sert à rien d'aller à droite, à gauche, chez des gens que tu ne connais pas. Al-Majhoul, l'inconnu, fi zaman al-Salaf, on ne prend rien de lui. Al-Majhoul, quelqu'un, il est inconnu. Il sort comme ça, on ne sait d'où. Ou yu'allim al-Nas, il apprend aux gens comme ça, du jour au lendemain, et tout le monde se précipite. Tout le monde y va. Tout le monde court. Qui le connaît? Qui le connaît parmi les gens de la sunna? L'ulama, ils disent quoi, ma chère? Quand quelqu'un, tu veux apprendre chez lui, ou tu veux écouter, juste t'asseoir et écouter, mais tu ne le connais pas, comment on va savoir si il est à la sunna ou pas? Il faut se renseigner d'abord chez les gens qui, eux, sont connus pour la sunna. Eux, ils sont connus pour leur manhaj. C'est des gens dignes de confiance, qui reviennent aux ulama, qui reviennent aux shuyur, et dont eux, leur da'wah a toujours été à l'al-kitab et à sunna. Et de préférence des anciens. De préférence. Et de se renseigner sur cet homme-là. Qui il est? Qui le connaît? Si personne ne le connaît, c'est quelqu'un qui est donc inconnu. Al-Majhoul, pas à confondre avec Al-Jahil. Al-Majhoul, c'est quelqu'un qui est inconnu, on ne le connaît pas. Comme il a dit Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidahullah, Al-Majhoul, ni on dit qu'il est bien, ni on dit qu'il est mauvais, jusqu'à ce qu'on ait les preuves qu'il soit bien ou mauvais. Mais on ne peut pas porter un jugement sur lui parce qu'on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'il est Majhoul. Et dans le hadith, quand quelqu'un est Majhoul dans une chaîne de transmission, الحديث اللي اوتوماتيك مومي دو كوتي ضعيف، ني صحيح ني حسن، ضعيف اوتوماتيك. On ne peut pas prendre le risque d'accepter, même si tous dans la chaîne ils sont bons, on ne peut pas prendre le risque d'accepter. Hein, les ulama ne prennent pas le risque d'accepter, parce qu'il manque quelqu'un et on ne le connaît pas, d'accepter le hadith. Parce qu'il se peut que celui-là, il n'est pas bon en vérité. Mais on ne prend pas de risque. Alors comme il est majhoul, on met de côté. Ça veut dire qu'on ne prend pas le hadith à cause de cet homme-là qui se trouve dans sa chaîne et dont on ne connaît rien sur lui. C'est comme ça que Shubuhat arrive, c'est que les gens se précipitent vers le du'at, la ya'rifuhu. Wa taskiyatu al-insan 'amaluhu. Taskiyatu al-insan 'amaluhu. C'est quoi la taskiya de quelqu'un avant toute chose? Avant même qu'il ait taskiya d'autre. C'est ses actions. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le manhaj, on le voit et on entend dans ses paroles? Il parle de sunna, tayyib. Est-ce qu'il fait tahdhir an ahli al-bid'a wal hawa? Ya'muru bil ma'ruf, tayyib. Ayna an-nahy 'anil munkar? Tahdhir min ash-shirk, tahdhir min al-bid'ah, wa tahdhir min al-jama'at al-mubtadi'a. هل يتكلم على الإخوان، على جماعة التبليغ، على الأحباش، على الحزبيين؟ دفاع السنة وأهل السنة وعلماء السنة. Est-ce qu'il défend les gens de sunna? Est-ce que quand les gens qui sont à la sunna se font attaquer par le mubtadi'a, est-ce que lui il les défend, les gens de sunna, ou bien il scoute, ou bien il se tait? Il t'entend rien. Est-ce qu'il parle de toutes ces jama'at qui circulent avec leurs shubuhat, avec leurs bid'ah, avec l'afkar? هل يتكلم على القطبية، على التكفير، على الحدادية؟ Toutes ces jama'at. Est-ce qu'il défend le sunna? Est-ce qu'il défend les gens de la sunna? Là, tu verras s'il est à la sunna. هذا هو تزكية الإنسان عمله. هل يتكلم على السلفية؟ المنهج السلفي والقواعد في المنهج. Il peut parler de tawhid. طيب. هل يتكلم على التوحيد اولا بالعلم؟ اولا هل يدعو الى التوحيد؟ اولا. Déjà ce qu'il appelle le tawhid, qui est la base de toute la da'wa des prophètes. عليهم الصلاة والسلام. طيب. يدعو الى التوحيد. كيف يدعو الى التوحيد؟ Si tu nous dis l'appel au tawhid, on te posera une autre question. Comment il appelle au tawhid? À la basira? Ad'u ila Allah à la basira, yani à la ilm, à la tariqat al-ulama. Lian tariqat al-ulama tariqatu al-anbiya wa rusul, alayhim salat wa salam. Est-ce qu'il appelle au tawhid sur le même chemin que l'ulama? Tartib. L'ulama, quand ils font des livres, ils font un ordre. Est-ce qu'il appelle avec science quand il appelle au tawhid ou bien bi aqwalihi ou bi sharhihi? Comment tu vas trouver deux gens, il prend un livre, des gens de la sunna, un livre des ulama de la sunna, des chouyours de la sunna. Le titre, ça passe. Le matin, ça passe. Mais quand il en arrive au sharh, il commence avec le début du charh du shir, mais si tu regardes bien le contenu, à la fin, c'est plus ce qu'il y a dans la parole du shir. Ça devient son charh à lui. Pourtant, c'est un livre al-aqida. Mais tu vois bien que le contenu, en vérité, il y a un moment où c'est lui qui fait son propre contenu. C'est lui qui se lance dans des explications, dans des anecdotes, dans des histoires, dans, et ça finit plus. Que tu ramènes des fawa'id d'un autre shir sur la même mas'ala, ou sur le même livre, ça tu peux le faire. Amma, que tu racontes, tu sors du livre et tu commences à raconter ton charh à toi, ça non. T'es qui toi pour rajouter encore sur la parole du shir? Si tu ramènes la parole d'un autre shir, là, ben, il n'y a pas de mal à ça, c'est bien. Tu ramènes plus de fawahid pour les gens. Mais que tu ramènes ta parole à toi, tu commences à sortir, à raconter des histoires, des anecdotes, des... En plus, tu te tawhid. هذا هو على السنة أين الدفاع السنة كان لشيوخ سلفيين كبار العلماء كم الألباني كم الربيع بن هادي المدخلي سوفون تريتي دو مرجئ دو كافر دو مرتد أين الدفاع علماء السنة pourquoi est-ce que la personne elle les défend pas pourquoi est-ce qu'elle parle pas Comment quelqu'un qui est à la sunna, soi-disant, il ne défend pas les gens de la sunna. Et quelquefois encore pire, il défend même Ahlul Bida' ou Al-Hizbiyyin. Hein? Avec toujours la même phrase. Ah, mais il faut leur faire de nasiha. Subhanallah. Ils soubent l'ulama. S'il faut leur faire de nasiha, pourquoi t'attends que ce soit d'autres gens qui vont leur faire de nasiha? Lève-toi s'il faut leur faire de nasiha. Si tu sais qu'il faut leur faire de nasiha, eh ben lève-toi et vas-y. Pourquoi tu défends pas ulama sunna? Pourquoi tu défends le hizbiyyin? Tu défends ceux qui insultent l'ulama, mais tu défends même pas l'ulama. Wa anta min ashabi sunna. كيف هذا تزكية الإنسان عمله هذا هو كلام العلماء تزكية الإنسان عمله هذا كلام شارح ابن تيمية رحمه الله لا تزكية quelqu'un tu veux savoir s'il est vraiment à la sunna et ben on va voir qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va dire tout simplement c'est facile de dire أنا سلفي أنا على منهج السلف صالح c'est facile ça Même Shia, ils te disent, c'est la vie. Hatta Soufiya. Hatta Tekfiriyoun. Tout le monde le dit ça. Aïna l'amal. Quand il y a l'amal, là on va voir s'il est vraiment à la sunna. Wasawila rahimahullah, Shir al-Islam. كما في الفتاوى المصرية عن قول بعضهم لا غيبة للفاسق ومن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له قال أن يكون الرجل مظهرا للفجور مثلا الذل والفواحش والبدع المخالفة للسنة فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من رأى منكم منكرا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله lorsqu'il a été questionné sur le fait que quelqu'un dise il n'y a pas de médisance sur le fasiq, quelqu'un qui commet les grands péchés qui ne se repent pas. Il n'y a pas de médisance. Yani, tu peux parler et le dénoncer. Il a répondu, rahimahullah, quand quelqu'un, il montre ouvertement à tout le monde son péché, comme par exemple l'injustice, ou le fawahish, comme zina ou autre, ou le bid'ah al-mukhalifati li sunnah, comme l'innovation qui est en contradiction, qui vient contredire la sunnah. Mada qal, fa'idha abhar al-munkar, s'il montre cela, et cela est apparu de lui, wajab al-inkar alayhi bi-hasabi al-qudara. On est obligé de le contredire, de le contrer, de montrer que ça, c'est faux. Bihasab al-qudra, selon la possibilité de la personne. Est-ce qu'elle peut le faire ou elle ne peut pas le faire? Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voit parmi vous un mâle, qu'il le change par la main s'il ne peut pas, par la langue s'il ne peut pas, bilqalb. Et bilqalb, ça veut dire quoi? Al-hajar. Ça veut dire que tu restes plus. Tu peux pas enlever avec ta main le munkar, tu peux pas corriger, t'as pas la capacité. Alors tu parles. Tu peux pas parler, alors tu t'en vas. C'est ça, bilqalb. C'est-à-dire de faire quoi? Al-hajar. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, وهذا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل عبد كريم فقط. عبد كريم فقط. ما كان شيخ ولا. فهمت؟ طيب. ثم قال يعني شيخ الإسلام. فمن أظهر المنكر وجب الإنكار عليه وأن يحجر ويذم على ذلك فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له بخلاف من كان مستترا في ذلك مستخفيا فإن هذا يستر لكن ينصح سرا ويحجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة على وجه النصيحة. Donc si quelqu'un il fait le munkar ouvertement, le bid'a ou le fahisha, il faut interdire ce munkar et dénoncer cette chose-là. S'il le fait secrètement, tu vas le voir, tu lui fais une nasiha. Par contre, tahdir, prévenir contre cette bid'a, même si lui il l'a fait secrètement, cette bid'a là, tu dois prévenir les gens contre cela. Et ça rentre fi bab an-nasiha. Comme قال الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله. الرد يعني على المبتدعة الرد هو النصيحة الرد هو النصيحة. Lorsque tu réfutes, ça fait partie de la nasiha. Ça fait partie de la nasiha. C'est pour ça que la règle de la personne qui te dit ouais mais vous ne l'avez pas fait de nasiha. Akhi, quand tu reçois un rat c'est quoi? C'est une réfutation. C'est-à-dire que tu as dit des choses qui ne sont pas convenables. Fil aqida, fil manhaj, fil fiqh. Tu as dit des choses qui sont fausses ou pas convenables, qui sont des erreurs. Le fait que quelqu'un te réfute. Le fait que quelqu'un te réfute, c'est une nasiha. Ce qu'il est en train de te montrer, de te dire, comme l'a dit Cheikh Salah Al-Fawzan, quand il y a un rad à la shakhs, quand il y a une réfutation sur quelqu'un de précis, qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Salah Al-Fawzan? Il a dit, Hafidhullah, c'est comme si, yani ta'awun ala bir wa taqwa, c'est comme si on lui disait, viens, viens avec nous, lève-toi et viens, on marche à la sunnah. Yani, arrête de dire tes choses-là, arrête de croire ces choses-là, et viens. Faqat. C'est rien plus que ça. Arrad, c'est ça. Après, c'est les gens qui sont autour qui font arrad, arrad, arrad, yani. Là, c'est quoi arrad? Yaruddu alayhi. Les ulama, les uns sur les autres, ils se réfutent quelquefois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. À l'époque, Cheikh Al-Albani et Cheikh Ben-Baz, ou un hadith réfuté sur l'autre, est-ce qu'il a des hadaf muftadi' dal? Là. Pourtant, quelquefois, Cheikh Al-Albani, sur des akhwal qu'il a ramené Cheikh Ben-Baz, il dit bid'a. Mais est-ce qu'il dit un Cheikh Ben-Baz muftadi'? Là. Parce que ce n'est pas des haddadi. Mais il n'est pas d'accord, et c'est tout. Et Wahad, il réfute sur un tel. Comme à l'époque de Salaf, Salaf, il réfutait les uns sur les autres. Comme on va le voir tout à l'heure. Ils se réfutaient quelquefois les uns les autres. Et où le problème? Pourquoi? Parce que pour eux, et pour l'ulama, et pour les gens de la sunna, en vérité, un rat, c'est quoi? C'est une nasiha. Donc ne dis pas qu'il n'a pas reçu une nasiha, parce qu'au minimum, un rat qu'il a reçu, c'est une nasiha. C'est que c'est quelqu'un qui est venu, qui lui a montré ses erreurs. Or, s'il est vraiment sincère avec Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il est vraiment à la sunnah, quelqu'un qui est à la sunnah, quand on lui montre ses erreurs, qu'est-ce qu'il se dit? Subhanallah, j'ai ramené les gens vers un chemin autre que ce qu'Allah azawajal a montré comme chemin. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ainsi, il se repent et il corrige. Étant donné qu'il a fait l'erreur en public, il la corrigera en public en disant « J'ai dit ça, je me suis trompé. C'est une erreur de ma part. En vérité, la correction, c'est ça. » Et celui qui lui a fait rad en vérité, il l'accueillera comment ?« Fi bab tashrif », yani avec honorabilité. Parce qu'il s'aperçoit que c'est cette personne-là qui l'a sauvé, qui lui a dit hey, le chemin que tu as pris là, il n'est pas bon. Quand quelqu'un, subhanallah, il te sauve de ça. Comment ça se fait aujourd'hui? Quand quelqu'un il te sauve de ça, il le prend automatiquement comme quoi? Il croit que la personne, elle est là pour le descendre, pour le rabaisser. Et ça, Cheikh Salah Al-Fawzan, il en a parlé. Quand tu fais le tahdir, c'est le tahdir à la charse, hein, de prévenir sur quelqu'un de précis. C'est pour rabaisser la personne. C'est interdit, ça. Tu as le droit de le faire que pour Allah, lillahi azza wa jal, pour que la vérité revienne. Tu n'as pas le droit de prévenir sur quelqu'un, c'est pas un jeu. Comme certains yal'aboun, ils jouent avec ça. Ils sont dans le rôle ou dans l'exagération avec ça. Il n'est pas en train de jouer. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs, même si tu parles sur ces erreurs-là. Hein? Tu ne parles pas forcément de la personne, mais tu parles de ses erreurs. C'est ses erreurs le problème. Mais la personne, Inch'Allah, qu'elle revienne à la vérité. Mais à partir du moment où il a dévoilé des erreurs devant les gens, devant des musulmans, comme il a dit Cheikh Al-Azim, il faut fermer la porte rapidement avant que ces afkars-là, ils circulent fi qulub al-muslimin, dans les cœurs des musulmans. Il faut fermer la porte tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un dise « قال فلان في كتابه أو قال في دروسه كذا وكذا كذا هذا ليس بالصحيح قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه لكن بالعلم ولوجه الله عز وجل مخلصا لله avec sincérité pour Allah afin que quoi? Que l'erreur ne se propage plus. Ça y est, on coupe. Quant à cette règle qui est inventée, qui est soi-disant de tant que tu ne lui as pas fait de nasiha, tu ne parles pas sur ses erreurs. Tayyib, alors j'attends. On va attendre. Le temps de voir la personne. Ou de lui écrire une lettre. De lui envoyer. D'attendre la réponse. Qu'est-ce qui se passe en attendant? Les akhtas sont en train de circuler. Toutes les erreurs qu'il a commises, elles sont en train de circuler. Fil aqida, fil manhaj. Et à la fin, s'il n'accepte pas de nasiha, qu'est-ce qu'on fait alors? On aura attendu tout ce temps-là. Et pendant tout ce temps-là, le fikriyat, elle continue à circuler. Quelquefois, c'est le fikr dans le takfir, dans le tabdir, dans. Ça, chez Salaf, ça n'existe pas. Celui qui ramène cette règle, qui nous prouve, elle vient d'où cette règle? Que tu es obligé. Ou que tu dis que c'est une condition, c'est un char, et que tu l'imposes comme ça, que tu es obligé, ou que c'est une condition, tu es obligé de lui faire de nasiha avant de réfuter. Barakallahu fik, ar-rad huwa an-nasiha. C'est tout. Et ne croyez pas qu'un rad c'est fait pour humilier la personne ou la descendre. Bien au contraire, s'il revient sur ses erreurs, Allah Azza wa Jal va l'élever pour ça. Or aujourd'hui, celui qui réfute, il passe pour un shaitan. On lui donne toutes les sifats. Mutashaddid, shaitan, khabith, il a khiri. Subhanallah. Il défend sunnah. Il défend sunnah. Ou ahl sunnah. Il n'a voulu rabaisser personne. Il l'a fait lillahi azza wa jal. Li difa' al-haq. Pour défendre la vérité. Et c'est lui qui passe pour le mauvais. Et vous avez oublié toutes les erreurs que l'autre il a fait. C'est-à-dire celui qui a dit le batil, qui a dit le faux, qui a transmis le faux, lui il est excusé. Mais celui qui a voulu défendre Sunna et qui a voulu remettre les choses en ordre, c'est lui qui est critiqué. Celui-là, il a voulu défendre Sunna hier. Il n'a pas voulu rabaisser telle personne. Il a défendu Sunna. Même quand sa personne elle est touchée ou il a insulté autre, il n'en a rien à faire tant que les gens reviennent à la Sunna. Quant à l'autre qui a dit des mensonges sur Allah tabaraka wa ta'ala, qui a dit des mensonges à la sunna, à la manhaj, à la salaf, à l'ulama, celui-ci on ne dit rien. Hada rajulun tayyib. S'il est tayyib, yatubu illa Allah azza wa jalla. S'il est mukhlis lillah, s'il est vraiment sincère, il revient sur ses erreurs. Il n'attend pas une nasiha pour revenir sur ses erreurs. Tu trouves des gens comme ça. Moi, on ne m'a pas fait de nasiha. Mais pourquoi t'attends qu'on te fasse une nasiha si tu connais tes erreurs, subhanallah. Ajib. Tu connais tes erreurs. Pourquoi t'attends que quelqu'un vienne te conseiller si tu connais tes erreurs? À partir du moment où tu connais tes erreurs, qu'est-ce que tu fais? Tu te rectifies. Ah non, surtout si tu as une importance et que tu as des gens devant toi qui viennent s'asseoir. Parce que ces gens-là, quand tu as fait l'erreur, ils sont partis avec. Est-ce que c'est clair? Ah non, quelquefois il est bien d'éclaircir des choses afin que les choses soient claires. Et que la sunna ne devienne pas le bid'a, la bid'a devient la sunna. Ou bien que les gens de la sunna, c'est eux qui deviennent les gens de le bid'a, et les gens de le bid'a, c'est eux qui sont vus comme les gens de la sunna. Seulement, ce n'est pas les ignorants qui décident. C'est les gens de science qui décident. C'est les gens de science qui ont cet éclaircissement. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. Donc il a dit ابن القيم رحمه الله, le fait de dévoiler يعني عورات, en vérité on ne parle pas de l'aura des parties intimes, mais de dévoiler en vérité ce que cachent les gens mauvais, ce qu'ils cachent, le fait de dévoiler, de rendre faux ce avec quoi ils sont venus, ainsi que leurs règles qui sont infondées et fausses, qui viennent contredire le kitab ou la sunna. Qu'est-ce qu'il a dit? Min afdal il jihad fi sabilillah. Hada bil ilm. Al maqsid al rabi' al nush li ammat al umma. Quatrième but qui est voulu par le fait de faire le hajar de quelqu'un ou d'un groupe, c'est quoi? C'est pour le bien et c'est pour le conseil à la communauté. C'est-à-dire quand toi tu fais le hajar de quelqu'un, en vérité tu es en train de conseiller celui même de qui tu fais le hajar. Et en faisant ça, tu es en train de conseiller la communauté de « attention celui-là, moi je m'éloigne de lui ». Pourquoi? Parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Ou il fait ça, ou il dit ça, il dit ça. Ainsi, moi, en m'éloignant de lui, moi, je vous montre que je m'éloigne de lui, en vous conseillant de vous aussi vous éloigner de lui. لماذا لأن الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة والحديث معروف قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعماتهم ومن تمام النصيحة حماية المجتمع من المخالفة بدعة أو معصية والمخالف والتحذير منها ومن أهلها ومنع انتشارها وهذا مقصد حققه أهل السنة عمليا بعلم وعدل. La perfection et la nasiha complète, hein, le conseil complet, parfait. C'est quoi? C'est de protéger les gens de ceux qui sont ou bien dans le bid'a ou bien dans le marsiya, dans les péchés, hein, qui contredisent le kitab wa sunnah. De prévenir. Avertir contre la bid'a, l'innovation et le péché, et avertir contre les gens de l'innovation et les gens du péché. Et ceux qui l'ont fait et qui l'ont appliqué avec science et justice, ce sont les gens de la sunna. أخرج اللكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قول الحافظ قتادة رحمه الله إن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن تذكر حتى تحذر. Qu'est-ce qu'il a dit? قتادة رحمه الله الحافظ قتادة رحمه الله. Si un homme a innové une innovation, donc dans la religion d'Allah, il est obligatoire de le rappeler, cet homme-là, dernier devant les gens, jusqu'à ce que les gens avertissent contre lui. Dernier de le rappeler, cet homme-là, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il fait. Il a contredit la religion d'Allah dans ça, dans ça, dans ça. Ya Rabbi. Dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. De le rappeler jusqu'à ce que ça y est. Les gens ont mis en garde contre eux, celui-ci. Pourquoi ? Pour préserver la communauté. وخرج الحافظ العقيلي رحمه الله في الدعفاء بسند لا بأس به عن مؤمل ابن إسماعيل أنه قال إن سفيان الثوري لم يصلي على ابن أبي رواد فقيل له يعني لماذا لم تصلي فقال والله إني أرى الصلاة على من دونه عندي ولكني أردت أن أري الناس أنه مات على البدعة أو على بدعة. Sofiane Thaouri n'a pas fait la prière sur un homme. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne pries pas sur lui? Il a dit, j'ai voulu montrer aux gens que cet homme-là est mort sur l'innovation ou sur une innovation. Donc il n'a pas fait le janaza sur lui. Pour montrer, c'est un imam. Pour montrer aux gens, si un imam de la sunna, il ne prie pas sur lui, ça veut dire que ce qu'il faisait cet homme-là, c'était grave. Donc les gens ils vont dire quoi? Subhanallah, si Sofiane Thaouri ne prie pas sur lui, ça veut dire ce qu'il faisait, wallah, c'était grave. Ça veut dire que moi aussi, je ne vais pas le faire. Voilà. Il a fait le hajar de quoi? D'un meyyit, d'un mort, de ne pas faire le janaza sur lui. Fi bab an-nasiha. Pour conseiller les gens qu'ils ne fassent pas comme lui et qu'ils ne meurent pas dans le même état que lui, sinon l'imam ne priera pas sur lui. Comme le Nabi alayhi salat wa salam, il a délaissé parfois salat al-janaza. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour quelqu'un qui avait des dettes, il ne priait pas sur lui. Des dettes, juste des dettes. C'est l'umour dunyawiyya. Kayfa l'umour dinyawiyya. بل كذلك أخرج العقيلي رحمه الله في الدعفاء عن الثوري أنه لما وضعت الجنازة فجاه رحمه الله يعني الثوري رحمه الله واصطف الناس للصلاة جاه الثوري وصارت الناس تقول جاه الثوري جاه الثوري أفسحوا له فلما أفسحوا له جاه وشق الصفوف والناس ينظرون فجاوز الجنازة ولم يصلي عليها وذلك لأنه كان يرى الإرجاء يعني على الميت. سفيان الثوري est venu, les gens ils ont dit, ah, il est venu. الثوري, il est là, il est là. Il est venu. Ils ont regardé, il est venu, il est resté. Il n'a pas fait la prière sur lui. Parce qu'il voyait sur ce mort-là qu'il avait quoi? Il le connaissait bien sûr. Al-Irja Murji. Al-Iman la yazid wa la yanqus. Yani l'Iman, les actions n'ont pas d'influence sur la foi. Tu peux faire les péchés que tu veux. Imanuka ka imani Abu Bakr Siddiq. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره. Il avait en lui quoi? الارجاء. وقال الامام المروذي رحمه الله قلت لابي عبد الله ترى الرجل يشتغل بالصوم والصلاه ويسكت عن الكلام عن اهل البدع يعني يسكت، هو يصلي ويصوم، يصلي في الليل ويصوم في النهار، لكن يسكت على من؟ أهل البدع، لا يتكلم ولا يرد عليهم. Il a dit, tu vois un homme qui passe son temps à jeûner et à prier, mais qui se tait sur des gens de l'innovation. Il ne parle pas sur eux, il ne les réfute pas. Et là, il a vu, Abu Abdullah, il a vu le visage énervé, rouge, commence à rougir et à s'énerver. قال إذا هو صلى وصام واحتزل الناس أليس هو لنفسه قلت بلى قال فإذا تكلم له ولغيره يتكلم أفضل يتكلم أفضل انتهى كلامه رحمه الله. Il a dit, s'il jeûne et il prie, c'est pour qui? C'est pour lui. Quand tu jeûnes et tu pries, c'est pour toi. Alors que s'il avait parlé sur les gens de l'innovation, il les aurait dévoilés à la communauté, cela aurait été profitable pour lui et pour les gens. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم والتحذير الأمة تحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين واجب باتفاق المسلمين. Il a dit, les gens de l'innovation, leurs savants, les savants des gens de l'innovation, qui disent des choses qui viennent contredire le livre et la sunna, ou des adorations qui viennent contredire le livre et la sunna, le fait de bayan, al-bayan, fa'inna bayana halihim, le fait de montrer qu'ils sont véritablement, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, wa tahdhir al-umma, et de prévenir la communauté contre eux, wajibun. Est une obligation. Est une obligation. حتى قيل لأحمد بن حنبل jusqu'à ce qu'il a été dit à l'imam Ahmed الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Un homme qui jeûne et qui prie, qui fait l'i'tikaf, est-il plus aimé auprès de toi ou bien plutôt un homme qui parle sur les gens de l'innovation? فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. La même réponse que l'autre savant. C'est pour ça que tous les savants de la sunna, ils ont les mêmes réponses. C'est là que tu vois les gens de la sunna, c'est que quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, subhanallah, l'un il est d'un côté de la planète, l'autre il est de l'autre côté, subhanallah, tu poses la même question, ils ont la même réponse. Et dans les livres, tu trouves la même chose. Un savant de la sunna de cette époque d'aujourd'hui, sur une messe Alain, il a la même réponse qu'un autre qui a 1300 ans, qui a parlé du même sujet. Parce qu'ils ont la même aqida, le même manhaj. Ils ont la même religion, le même din, comme il a été révélé. Donc il lui a posé la question à l'imam Ahmed, tu préfères quoi, un homme qui jeûne, qui prie, qui fait l'irtikaf, ou un homme qui parle sur les gens d'innovation? Il a dit, si tu pries, tu fais l'irtikaf et tu jeûnes, c'est pour toi. Cet homme qui fait ça, ce sera pour lui. Mais s'il parle et il prévient contre les gens d'innovation, c'est un bien pour les musulmans. وهذا أفضل. Il a dit cela est mieux. طيب المقصد الخامس رجوع المجهور عن خطائه. Cinquième but de l'Hajar, c'est que celui qui est al-majhour, celui de qui on a fait l'Hajar, celui qu'on a délaissé, c'est qu'il revienne de son erreur. طيب qu'il revienne de son erreur. تقدم أن الهجر الشرعي يقع لسبب شرعي فلا بد أن يقع على وفق الشرع ومن ذلك يقع الهجر على المخالف عقوبة وتأديبا وزجرا فإن تاب ورجع فالحمد لله وإن لم يرجع فلا يسقط هذا الأصل كما سيرد. Donc le but c'est qu'il revienne de son erreur. S'il revient, alhamdulillah, rabbil alamin. قال ابن هاني رحمه الله سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته يجالس يعني يسأل يجالس قال لا يجالس ولا يكلم ثم قال لعله يرجع لعله يرجع Il a dit, Ibn Hani, rahimahullah, j'ai demandé à Abu Abdillah au sujet d'un homme innovateur qui appelle à son innovation. Est-ce qu'on s'assoit auprès de lui ? Il a répondu, tu ne t'assois pas, on ne s'assoit pas auprès de lui et on ne lui parle pas. Peut-être reviendra-t-il. Peut-être reviendra-t-il. قال الإمام أحمد إذا علم أنه مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك لم يأثم إن جفاه حتى يرجع حتى يرجع وإلا كيف يتبين الرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا Comment un homme, tu veux qu'il sache qu'il est halal batil s'il n'y a pas quelqu'un pour lui montrer qu'il est halal batil Comment tu veux savoir si tu es sur le faux si personne ne te montre le faux si personne ne te montre que tu as faux et que tu es dans le faux Est-ce que c'est toi tout seul qui vas savoir comment faire dans la religion d'Allah De passer des ulama, de passer de l'ilm, comme ça tout seul, wahdak. Là. Donc il faut bien quelqu'un qui te montre que tu es dans le faux. Quand quelqu'un il va te venir, il va te dire, ça c'est faux. Là, il va te montrer. Bil'ilm. وجاه في السير في السيار في ترجمة الإمام القرياني محمد بن يوسف أن الإمام البخاري قال رأيت قوما دخلوا إلى محمد بن يوسف فقيل له إن هؤلاء مرجئة الذين دخلوه عليه قال أخرجوهم قال الإمام البخاري فتابوا ورجعوا Des hommes sont rentrés chez cet imam. On l'a informé en disant, les gens qui sont rentrés, qui viennent de rentrer ici chez toi, ils sont dans l'irja mubtadi'a. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, faites-les sortir. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Bukhari ? Ils se sont repentis et sont revenus à la sunnah. Parce que le fait que cet imam, ce grand imam de la sunna, il les fasse sortir, ils ont compris que ça, en vérité, c'était une nasiha pour leur dire de revenir à la vérité qu'ils étaient dans le fond. Ils l'ont compris. Tabu ilallahi azza wa jalla. C'était quoi sa nasiha ici, en vérité ? Faites-les sortir. Hadi nasiha. Et même pas parler. Faites-les sortir, classe. Est-ce qu'il leur dit, asseyez-vous, je vais vous faire un nasiha, je vais vous conseiller. Malgré qu'il aurait pu. Mais il a jugé qu'il y avait mieux à faire à ce moment-là. C'est de lui faire le hajar. Parce que le fait qu'il vienne le voir, c'est qu'il le considère quand même comme quelqu'un de bien. Et quelqu'un qui a du ilm, qui a de la science. Il le respectait. Le fait que lui, il les fasse sortir, ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas pour qu'il nous fasse sortir chez nous. Quand ils ont compris c'était quoi, ils se sont repentis et ils sont revenus. وقال الإمام الحافظ ابن عبد البار رحمه الله في التمهيد في حديث كعب بن مالك الحديث كي كونو هذا دليل على أنه جائز أن يحجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنه Il a dit, on tire du hadith de Ka'b ibn Malik, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajar de lui et des deux autres hommes. On tient ici la preuve qu'il est permis qu'un musulman fasse la hijra de son frère à partir du moment où il l'a vu chez lui une bid'a, une innovation ou un grand péché. En espérant que par cette hijra, l'hajar, qu'il reviendra. C'est pour lui montrer, par ce comportement, pour l'éduquer, qu'il doit revenir à la vérité. قال الحافظ النووي في روضة الطالبين قال إن كان الهجر لعذر si tu fais le hajar légiférer, donc tu as une excuse pour pouvoir faire le hajar de la personne, parce qu'on a vu qu'à la base on fait pas le hajar, c'est ça la base c'est l'union, donc si tu as une excuse légiférer pour justement te séparer de la personne bien yakun al-mahjur mazmoum al-hali li bid'atin ou fisqin أو كان في صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا تحريمه فلا تحريم. S'il a une excuse valable pour préserver sa religion et en même temps préserver la religion de l'autre, parce qu'avec ce hajar il va revenir à la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit le même Nawawi? فلا تحريم. Dans ce cas-là, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Comme Hajar al-Nabi alayhi salatu wa salam li Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Et il dit Cheikh Abdallah al-Bukhari ala annahu yadkhulu fi maqasid al-shari'a allati marrat al-hajar al-wiqai al-murad bil hajar an yahjur al-mar' al-mu'min kull man yakhafu ala dinihi أو على نفسه بمخالطته فيدره ذلك يعني مخالطته له وإياه له أن يحجره إن خاف على نفسه من مخالطته لمخالفته. Ainsi, il est permis de faire le hajar de la personne si tu as peur pour toi-même, donc pour ta religion, ou même tu as peur de la personne, de te mélanger avec lui, de peur que son mal va te toucher. Au minimum, tu ne peux pas blâmer la personne parce qu'elle fait le hajar de lui, s'il l'a fait correctement. Pourquoi? Les gens ils pourront lui dire, oui, mais tu ne peux pas le laisser. Mais subhanallah, moi, si je ne le laisse pas, c'est moi qui vais tomber comme lui. Donc, au minimum, pour me préserver, moi, j'y vais pas. Tu peux le blâmer pour ça? Tu ne peux pas le blâmer pour ça. Parce que c'est Hajar Shar'i, ce qu'il a fait. وقال الله تبارك وتعالى والأصل في هذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعما كثيرا وسعة. كما الله عز وجل dit celui qui immigre في سبيل الله sur le chemin d'Allah il trouvera maintes refuges et abondance. يعني il va trouver quoi? الخير. C'est qu'il aura préservé sa religion au minimum en faisant cela. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في الجامع فيه خمس مسائل ثم ذكر المسألة الثالثة وأدوحها في الخامسة قال ابن العربي ابن العربي بألف واللام وأبا ابن عربي ابن عربي celui qui a ramené وحدة الوجود كالله il est partout. وصنف كتابه هو يعني لا إله إلا الله ثم يقولون الله الله الله ثم يقولون الصوفية هو يعني هو وصنف كتابه هو ابن عربي qui est le fondateur de وحدة الوجود qui a dit que finalement quand les Bani Israël ils ont adoré le Vaudor ils n'ont pas fait shirk puisque dans chaque créature d'Allah il y a une partie d'Allah donc en vérité même en adorant le Vaudor en vérité ils ont adoré Allah. هذا شرك بالله عز وجل وحدة الوجود كما قال أحد من جماعة التبليغ قال إذا وجدتني وجدته lorsque tu m'as trouvé tu l'as trouvé يعني lorsque tu m'as trouvé moi la créature tu as forcément trouvé le créateur. Pourquoi? Parce que dans chaque créature il y a une partie d'Allah juz'un min Allah. ورد عليهم شيخ العثيمين رحمه الله Il a dit ça, c'est des gens qui rabaissent leur Seigneur. Si on, dans chacun d'entre nous, il y a une partie d'Allah, lorsque l'insan il meurt, ça veut dire qu'il y a une partie d'Allah qui meurt. Hada Rabha. C'est ça le Seigneur? C'est ça Rabbi al-Alamin? Là, là, là. عقيدة باطلة فاسدة وهذه عقيدة محمد الياس والسيد قطب ثم قال ابن العربي بالاليف ولم ابن العربي لبعض الصفون دا السنة ابن العربي بالاليف واللام c'est pas pour ça qu'on va dire que t'as bien ابن العربي ابن العربي بالاليف واللام il est parmi les savants de la sunna ابن عربي sans le alif واللام من اهل البدع والهوى qu'est-ce qu'il a dit قسم العلماء الذهاب في الارض قسمين هربا وطلبا فالاول ينقسم ستة اقسام وهو الهرب De là, Cheikh Abdullah, il ne va pas s'étendre là-dessus, il ramène juste le point qui nous intéresse. Al-awwal, al-hijaratu, wa hiya al-khurujou min dar al-harb ila dar al-islam. Taqsimat dans l'hijara. C'est de quitter une terre, qal, dar al-harb, une terre où il y a la guerre, vers une terre de quoi ? Dar al-islam. Hanifi shirk ou al-kufr ? Tu quittes parce que tu ne peux plus pratiquer ton tawhid wa sunnah. Donc tu quittes une terre pour une autre terre. La deuxième hijara qu'il a ramenée, parmi les taqsimat qu'il a fait, al-khuruj min ard al-bid'ah. Min ard al-bid'ah. قال ابن قاسم سمعت مالكا يقول يعني الإمام مالك رحمه الله لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف شوف كيف هذا المكان هذا الزمان هذا البلاد كيف قال الإمام مالك il a dit j'ai entendu l'imam Malik dire لا يحل il n'est pas permis Dans le sens où c'est interdit. An yuqima de résider bi ardin sur une terre yusabbu fiha as-salaf où les salafs sont insultés. Il n'est pas permis de rester sur une terre où salaf, yani sahaba radiallahu anhum wa tabi'in wa atba' tabi'in où ils sont insultés. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. وقال ابن العربي وهذا الصحيح فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه ثم ذكر آيات الأنعام فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية قلنا نومية كيف قال ابن العربي après le commentaire de l'imam Malik رحمه الله qu'est-ce qu'il a dit il a dit cela est bon et authentique c'est sûr car lorsque le blâmable on ne peut pas le changer alors on le quitte alors on le quitte et il a ramené l'ayah fi surat al-an'am lorsqu'Allah Azza wa Jalla a mentionné lorsque tu vois ceux qui prennent en dérision nos signes nos versets lève-toi et pars quitte-les وقال الإمام أبو قلابة رحمه الله كما في السنن للدارمي لا تجالسوا أهل الأهوى فإني لا آمن أن يغمسكم في ضلالهم ويلبس عليكم بعدما تعرفون والأثار في هذا الباب كثيرة il a dit ne t'assois pas avec les gens de la passion il y a rien qui dit que tu ne tomberas pas dans leur égarement on peut pas se porter garant que tu ne tomberas pas dans leur égarement ويلبسوا عليكم بعد ما تعرفون ils vont vous يلبسون يعني ce que tu savais ils vont te le retourner الحق ils vont te le paraître le batil ils vont te le faire apparaître حق الهجر الشرعي منه الكلي ومنه الجزئي Ça, c'est important. Al-Hajar fait de délaisser la personne quelquefois ce qu'on appelle Al-Kulliyu, c'est-à-dire Al-Hajar complet. Ni tu lui parles bil-qalb, wa bil-lisan, wa al-jawarih, bil-batan. Ni tu lui parles, ni tu le regardes, rien. Al-Hajar complet, mutlaqan. Quelquefois, c'est seulement par la parole. Ou bien quelquefois, juste yani une partie. C'est-à-dire, ce n'est pas un jar qui est complet. قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تقدم معنا في معنى الهجر أن الهجر الشرعي يقع بالقلب وباللسان وبالبدن والأصل في ذلك الهجرة القلبية كما on l'a vu hier والبدن واللسان يتبعانه donc la base de l'hajar c'est quoi c'est le cœur. Celle-là, elle est obligatoire de faire la hijara du cœur. Si ensuite, le hajar bil-lisan, par la langue, par la parole et par le corps qui vont suivre. تقدم أيضا أن من مقاصد الشريعة في باب الهجر القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلوم أن القيام به على ثلاث مراتب كما مر لذا استدل له ابن تيمية بحديث من أراها منكم منكرا الحديث وعليه نقول إن الهجر منه الكلي ومنه الجزئي قال تعالى de tout péché, écarte-toi. Allah Azza wa Jalla l'a dit à son prophète, alayhi salat wa salam. قال الراغب رحمه الله في التفسير الآية حث على المفارقة من كل الوجوه أو من الوجوه كلها. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a parlé de فهجور يعني مطلقا de tout péché écarte-toi. Donc là c'est مطلق, c'est absolu, c'est الهجر complet بالقلب واللسان والجوارح بالبدن. فهجر البدن. Maintenant le fait de faire الهجر par le corps. منه الكل ومنه الجزئي. Il y a ce qu'on appelle le fait de faire le hajar. Là, il faut bien discerner. De faire le hajar par le corps, complètement, quelquefois, seulement une partie. C'est-à-dire pas complètement, pas tout le temps. Et alhamdoulilah, il y a des exemples. وَهَجْرُ اللِّسَانِ مِنْهُ الْكُلِّ وَمِنْهُ الْجُزْءِ وَفِيهَا كُلِّهَ الْقَلْبِ يَجِيبُ أَنْ يَكُونَ حَادِرًا وَلِكُلِّ نَمْثِلَةٌ فِي التَّطْبِيقَاتِ السَّلَفِ وَنَعْرِضُ لِبَعْدِهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Donc là, on va ramener des exemples. Quelquefois, le corps, c'est une hajar, c'est le hajar complet, mutlaq. Quelquefois, non. C'est pas tout le temps. La hijara par le corps, comme par la langue. مثال الهجر الكل بالبدن. On va nommer un exemple chez Salaf qui est de faire qu'ils ont fait le hajar par le corps complètement mutlaqan. الهجرة والخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. Tout simplement, Sahaba lorsqu'ils ont fait الهجرة du corps, ils ont quitté بلاد كفر إلى بلاد الإسلام. Donc là, c'est « الهجر بالبدن كلي » يعني « الكلي » يعني « مطلقا » طيب, c'est bon ?« ومنها » toujours dans le même, toujours dans la même mas'ala, le fait de faire « الهجر » avec le corps, complètement. « الهجرة والخروج من أرض البدعة التي يسب فيها السلف كما قال الإمام مالك » Comme on a ramené la parole de l'imam Malik, le fait de délaisser une terre où on insulte As-Salaf, donc de la délaisser, de partir dans une autre terre. Un autre exemple. ومثال آخر ما أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ قال حدثنا يحيى بن معين قال نا جرير عن مغيرة قال خرج نظر الكاتب وجرير بن عبد الله وعدي بن حاتم من الكوفة فنزلوا قرقسياء من القرية في الكوفة وقالوا أقيم ببلد يشتم فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. Ils sont restés sur une terre, ils sont arrivés, ils ont dit, nous ne restons pas sur une terre sur laquelle on insulte Uthman ibn Affan. Donc ils sont partis. Donc ils ont fait le hijra de leur corps, par leur corps. ومثله أيضا, un autre exemple, ما قاله الإمام أحمد لما سئل عمن قال لفظ بالقرآن مخلوق يصلى خلفه, يعني السؤال, قال لا يصلى خلفه ولا يجالس ولا يكلم ولا يسلم عليه كما في مساهل ابن هاني رحمه الله. Il a été questionné l'imam Ahmed au sujet de quelqu'un qui dit lafzi bil Quran, quand je récite le Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, quand je récite le Quran, il a dit ça c'est une créature, rien que la récitation. Est-ce qu'on prie derrière lui? L'imam Ahmed il a dit la yusalla khalfa, prie pas derrière lui, ni on s'assoit avec lui, ni on lui parle, ni on lui passe salam. Donc ça c'est le hajar bil badan, par le corps, entièrement. Il est là, ben on va là-bas. Mutlaqan. Est-ce que de temps en temps on s'assoit? Est-ce que de temps en temps on vient lui parler? Là. Donc on est toujours sur cet exemple. Cette fois-ci, le fait de faire le hajar de la personne avec le corps, mais pas tout le temps. Hajru al-rajuli li zawjatihi fi al-madja'. يقوله تبارك وتعالى واهجروهن في المضاجع. فهذا هجر جزئي, وإن تعادت أقوال أهل العلم في معنى الهجر في المرجاح, لكن يجمعها أنه هجر جزئي. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a dit lorsque l'épouse, elle désobéit, elle est dans la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à une étape ou quoi? Al-Hajar. Mais où? Malgré qu'il y a eu plusieurs aqwal ulama. C'est-à-dire au moment où si elle vient pour séduire son mari, pour essayer de se rapprocher de lui par ça, Al-Hajar. Al-Badani. Par son corps, il la repousse. Il lui fait le hajar. Mais est-ce qu'il part? Est-ce qu'il part? Il sort, il part de la maison? Il ne revient plus jamais? Non. Donc on voit bien, c'est à un moment bien précis. Et dans un lieu bien précis. D'accord? Non pas comme le premier exemple qui est mutlaq. Absolu. ومن ذلك أيضا ما جاء في ترجمة عبد الله بن زكريا الشامي لما لقي غيلان القدري فعدل عنه قيل له يا أبا يحيى يعني لماذا تفعل هذه الأفعال قال لا يضلني وإياه بيت إلا المسجد أي إن جاء يصلي ها سور قدري القدرية. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous nous rencontrons où? C'est-à-dire entre sa maison et moi, il y a la mosquée. Donc moi, quand je vais prier à la mosquée, lui aussi, il vient prier à la mosquée. On se voit que ici. Ils sont obligés de se voir ici. Est-ce qu'il a changé de mosquée pour ne pas le voir? Non. Il reste dans la mosquée à côté de chez lui, mais il se voit quand même. Donc il n'a pas pu faire le hajar de lui complètement. Au minimum, il se voit à la mosquée, même s'il ne lui parle pas. Là, on parle pour l'instant de al-badan, le corps. ومثال للهجر الكلي باللسان. Cette fois-ci, le fait de ne plus de faire le hajar باللسان, de ne plus parler à la personne, mais mutlaqan. طيب, الكلي باللسان. من عدم السلام وعدم رد السلام والمقاطعة من الكلام من كل وجه لا يسلم ولا يرد عليه السلام ولا يكلم معه أبدا ويصار. Donc ça c'est quoi? C'est que tu parles même plus à la personne. Ni tu lui passes salam, ni tu lui rends le salam, rien. Mutlaqan, tu ne lui parles plus. Même pas un mot. الثلاثة والذين خلفوا أوليس ذلك كذلك إذا سلموا لا أحد يرد ولا يسلم عليهم ولا يكلمهم أحد حتى أهل بيتهم فهذا هجر كلي باللسان. قصة كعب بن مالك. كعب بن مالك avec les trois, qu'est-ce qu'il a ordonné le prophète sallam? Personne ne leur parle. Ni vous leur passez le salam, ni vous répondez à son salam, personne ne leur parle. Il aura interdit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même leurs épouses dans leur maison, et tous les gens de leur propre demeure. Personne ne leur parle. Donc ça c'est billisan kulli. Tayyib. ومثال آخر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا فاستفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت يعني عائشة رضي الله عنها لا والله لو شفع فيه أبدا. الحديث c'est un hadith qui est long في البخاري. Aïcha a fait le vœu de ne plus lui parler. Et même quand son fils est venu intercéder, Ibn Zubayr est venu intercéder, il dit, là, je ne reviens pas sur mon vœu, je ne lui adresse plus la parole. Donc elle a fait le hajar bil lisan kulli. ومر معنا قول الإمام أبي داود وذكر أن ابن عمر هجر ابنان له إلى أن مات ما يكلمه. قال الإمام مجاهد رحمه الله فما كلمه عبد الله حتى مات. وهذا الحديث ثابت وصحيح كما هو عند أحمد وغيره. عبد الله بن عمر لا plus jamais parler à son fils Bilal jusqu'à sa mort. Donc il a fait le hajar bil kalam bil lisan مطلقا d'une manière absolue complète. ومنه ايضا ما قال ابن هاني في مسائله شهدت ابا عبد الله في طريق مسجد الجامع وسلم عليه رجل من الشكة فلم يرد عليه السلام فأعاد عليه فدفعه ابو عبد الله ولم يسلم عليه. Il a dit que Abu Abdullah, il était dans le chemin de la mosquée. Cet homme-là qui était connu pour son mal, il est venu lui passer salam. Il lui a jamais rendu salam. Une fois, deux fois, il lui a jamais rendu salam. ومن الهجر الجزئي باللسان. Cette fois-ci, la personne, elle a fait le hajar de la personne باللسان, mais pas complètement. Il lui a quand même adressé la parole un moment. أن الإمام الأوزاعي c'est l'histoire qu'on a ramené hier avec l'imam al-Awza'i. Lorsqu'il lui a tendu la main, l'imam al-Awza'i lui a pas tendu la main. Mais est-ce qu'il est parti? Non, il lui a dit, ça aurait été une chose de la donner, un problème de la donner entre toi et moi, je me serais rapproché de toi. Mais là c'est quoi? Ad-Din. Donc il a quand même parlé. On voit qu'il n'est pas parti directement sans explication. Il a parlé. Donc il lui a fait le hajar bil lisan, mais pas complètement. Il lui a quand même parlé, et quand il lui a parlé, c'était pour lui dire sa vérité. ثم قال الشيخ عبد الله البخاري بعض الناس يفهم من الهجر أن له سورة واحدة. La majorité, beaucoup de gens, ils pensent que الهجر ça n'a qu'une forme. Ça n'a qu'une forme. يعني si tu lui parles plus, tu le vois plus, tu t'assieds plus, rien. Ça y est, خلاص مطلقا. C'est pour ça que le cheikh ici, il a bien décortiqué, il a fait un tafsil. Que quelquefois c'est complet, quelquefois c'est pas complet, quelquefois c'est seulement bil-lisan, quelquefois c'est pas seulement avec le lisan. Il y a plusieurs formes selon la personne qu'on a en face de nous. Selon la personne de qui on fait le hajar. C'est ça qui permet de ne pas tomber dans les deux extrêmes. Ceux qui le font alors que la personne, elle ne le mérite pas. Ou ceux qui le font pas du tout. Bismil Mahabba, au nom de l'amour que j'ai envers cette personne-là. Donc il pense qu'il n'y a qu'une seule image, il n'y a qu'une seule façon de faire le hajar. ولذلك يعنفون على الناس الهجر اتقوا اتقوا الله اتقوا الله. نعم نحن نقول اتقوا الله، واقع الحجر على وجهه الشرعي، على وجهه الشرعي. Donc si vous dites craignez Allah, craignez Allah. Naam, on parle de l'hajar, oui, mais craignez Allah, et si vous le faites, faites-le d'une manière légiférée. فالهجر له صور كما قلنا الكلي والجزئي. ومن صور الهجر parmi les différentes hajar que l'on peut faire envers la personne, عدم السلام، عدم رد السلام، عدم الكلام، عدم إجابة الدعوة، ترك العيادة إذا مرض، لا يصلى خلفه ولا يشيع إذا مات يعني الجنازة، هذه كلها صور في الهجر. Et plusieurs manières. Pas passer le salam, pas rendre le salam, ne pas le visiter lorsqu'il est malade, ne pas prier sur lui lorsqu'il est pour l'aïma, pour un imam, lorsqu'il est lorsqu'il y a le janaza, lorsqu'il est décédé, qu'il était sur le bid'a par exemple, ou un grand péché. Il y a plusieurs manières de ne pas répondre à son invitation. Il y a plusieurs manières. Donc tout ça, c'est des formes de hajar. فيظن بعضهم أن الهجر له صورة واحدة. Or, il y a des gens qui pensent que l'hajar, il n'y a qu'une manière. C'est mutlaqan, ni tu lui parles, ni tu le vois, tu t'en vas au khlas. Plus jamais tu lui parles, plus jamais tu t'assois avec lui, plus jamais. Non, il y a plusieurs manières. Et il se peut qu'avec l'une des manières, la personne l'ait comprise. Ce qui aurait évité une grande fitna plus grande que ce qu'il y a déjà. Ou bien qu'il finisse dans un état pire que ce qu'il est. Parce qu'on a dit que min maqasid al-hajar, c'est quoi? C'est que la personne revient de son erreur. Pourquoi le shir ramène tout ça? C'est pour montrer que si Allah Azza wa Jalla il a légiféré le hajar, c'est qu'il y a un bien derrière. C'est qu'il y a un bien. Au minimum, c'est que toi tu sois préservé. Il peut y avoir un autre bien mieux, c'est que la personne revienne de son erreur. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce que tu veux, c'est que la personne elle revienne. صور إذن من الهجر ليست له صورة واحدة. هذا في أهل البدع. Le fait de mentionner que l'hajar, il n'y a qu'une manière, ça c'est chez les gens de l'innovation. Mais chez les gens de la sunna, il y a un tafsir, il y a des détails à rapporter, et chacun selon la situation. المصلحة في هذا الباب هل يسقط الهجر الشرعي عند عدم القدرة عليه؟ Est-ce que la personne qui fait le hajar, est-ce que la personne qui fait le hajar, est-ce qu'il faut qu'elle soit capable de faire le hajar? C'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'il ait une place précise pour être concerné par cette mes'ala qui est al-hajar? Yani, est-ce qu'il faut qu'il soit un imam pour pouvoir le faire? Est-ce qu'il faut qu'il soit sultan, émir pour le faire? Ou bien ça concerne tout le monde? Parce que certains diront, écoute, akhi, t'es pas un imam. Ça, c'est réservé à l'aïmma. Le Nabi Sassam, il l'a fait parce que c'était un imam. Foulan, il l'a fait parce que c'était un imam. Donc ça avait de la répercussion sur les gens. Est-ce qu'on doit croire ça? Ou bien on doit croire que ça concerne tout le monde? Même quelqu'un qui n'a pas de qudra, de quwwa sur la umma ou sur les gens de son entourage, il peut le faire lui aussi et il doit le faire lui aussi. Quand c'est légiféré, bien sûr. On va répondre à ça. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مبنى الشريعة على الدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما بل بناه مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. Si on explique Pour résumer cette parole d'Ibn al-Qayyim, c'est quoi? C'est que Sharia, la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est basée, elle a comme base quoi? Le fait que lorsqu'il y a deux mâles, on n'a pas le choix, on a un mâle et un mâle. Elle est basée sur le fait qu'on va enlever le plus grand mâle pour restreindre le mâle. Si on a deux grands mâles, on va essayer de se débarrasser du plus grand mâle et de garder le moindre mâle. Et lorsqu'on a deux choses qui sont bien, al-maslaha hadi wa al-maslaha hadi, al-shari'a, elle vise toujours le plus grand bien. Fahimtum ? Tayyib, sans rien rajouter. C'est ce qui ramène le bien dans la dunya et dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ces deux bases. C'est pour ça qu'il a dit l'imam Sa'di rahimahullah, ad-din mabniyun 'ala al-masalih. La religion d'Allah est basée sur le bien, de toujours ramener ce qui est bien. Qala fi shar'ihi laha hadha al-asl al-'azim wa al-qa'idatu al-'ammah yadkhulu fiha ad-din kullu. فكله مبني على تحصيل المصالح في الدنيا والدين والآخرة وعلى دفع المضار في الدنيا والدين والآخرة فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف ثم مثل لذلك ونقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله نقلا نفسيا يدل عليه. Donc il a expliqué tout simplement qu'il n'y a pas une chose qu'Allah il a légiféré sans qu'il y ait un bien derrière. Il n'y a pas une chose qu'Allah il nous a interdit sans qu'il y ait un mal derrière. Donc ça veut dire que la religion d'Allah tout entière, elle est basée sur le bien, sur le bon, qui est de réussir pour notre vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Idhan, fa mawdou' al-hajar dakhilun tahta hadha al-asl li'annahu min ad-din. Donc la question de l'hajar, de délaisser la personne ou le groupe, un groupe, elle rentre sous cette base. Étant donné qu'elle a été légiférée, forcément elle est là pour ramener le bien et non pas pour faire une fitna, non pas pour faire le trouble ou ramener le mal. هو مبني على المصالح لكن لابد ان نعرف المصالح. Qu'elle est basée sur le bien, oui, mais on se doit de connaître c'est quoi ce bien. طيب ونقول ان الهجر شرع عقوبه للمصلحه والمصلحه ايها الاحبه تنقسم الى قسمين مصلحه عامه ومصلحه خاصه. Al-Hajar, elle va ramener le bien, comme toute adoration. Mais Al-Hajar, elle a une maslaha qui est générale, comme elle a une maslaha, elle ramène un bien qui est spécifique. C'est-à-dire que Al-Hajar, elle ramène un bien chez la personne de qui on fait Al-Hajar, comme elle est aussi un bien pour les gens qui sont autour. Al-Maslaha tul amma. والمصلحة الخاصة. المصلحة العامة on a dit ça permet quoi? Le fait de faire l'hajar. تحقيق العبودية. Le fait d'appliquer une adoration. Parce que c'est une adoration. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ça permet d'ordonner le bien et d'interdire le mal si tu fais l'hajar de quelqu'un. والنصح للأمة. Ça permet de conseiller la communauté. Ça permet d'appliquer l'aqida, l'aqida de l'Al-Sunna, qui est l'aveu et le désaveu. L'ilhaq, wa bilhaq, wa lillahi azza wa jal. Wa rujou' anil khata. Et ça permet à la personne et aux gens de revenir à la vérité. Donc on voit bien que maslahatu amma. Ça ramène une maslaha pour la généralité. Maintenant, si on a le choix entre al-maslahatul amma wal khassa, c'est-à-dire le fait qu'on va faire le hajar, est-ce qu'on va mettre en avant la personne? C'est-à-dire qu'on va essayer de juger dans le hajar, si je délaisse cette personne-là, est-ce que je pense à cette personne-là ou bien je pense aux gens qui sont autour? Elle est la question. Est-ce que je pense d'abord à cette personne-là, la priorité c'est lui, ou bien la priorité c'est les gens qui sont autour? لهذا أمثلة وأدلة ومن ذلك أعني مراعاة المصلحة العامة إذا تعارضت مع الخاصة من ذلك. Et là, il y a un très bel exemple qui a été donné. ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ والشافعي في الرسالة. Qui a été rapporté par l'imam Malik, ce récit, ainsi que l'imam Shafi'i. والنسائي. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح. Donc la chaîne de transmission de ce récit elle est authentique. أن معاوية ابن أبي سفيان رحمه رضي الله تعالى عنه ومن أصحاب رسول الله معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. فقال له أبو درداء رضي الله عنه كذلك هو من أصحاب رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن مثل هذا البيع إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية رضي الله عنه ما أرى به بأسا. اسمع الكلام. قال ما أرى به بأسا وهو الإمير إمير الشام في عهد عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. شوف هو من أهل السنة شيخ جميعا على معاوية وعمر وأبي درداء. هذا رد على الشيعة. فقال أبو درداء من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره بحديث الرسول الله عليه الصلاة والسلام ويخبرني عن رأيه في قوله ما أرى به بأسا. ثم قال يعني أبو درداء رضي الله عنه لا أساكنك أرضا أنت بها. قال هذا الكلام لمعاوية. ماذا تقول؟ متشدد هو؟ هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقول أنه متشدد؟ لا. ثم قدم أبو درداء على عمر فذكر ذلك له فكتب عمر رضي الله عنه إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. Donc il a été rapporté que Muawiyah il a fait Muawiyah Abu Sufyan Ibn Abi Sufyan radiallahu anhu il a fait une vente. Seulement il a dépassé dans la vente. C'est-à-dire il a fait une vente qui n'est pas autorisée, qui a été interdite. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait interdit par rapport aux mesures. Abu Darda est venu, il lui a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire ce genre de commerce qui a été fait là. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Muawiya? Il lui a dit moi je vois qu'il n'y a pas de mal. Moi je vois qu'il n'y a pas de mal. Alors qu'il est émir au Chem sous la responsabilité, il y a une hiérarchie, et sous l'autorité de Omar radiallahu anhu. جميعا تُس رضي الله عنهم. على أبو درداء il a dit qui va excuser Muawiyah pour ce qu'il vient de me dire. Je viens, je ramène un hadith à Nabi صلى الله عليه وسلم, il me dit moi je vois qu'il n'y a pas de mal. Yani, il ramène sa vision, il fait passer sa vision des choses, sa raison avant hadith à Nabi صلى الله عليه وسلم. Abu Darda il accepte pas ça. Il a dit le hadith. Est-ce qu'il est sorti contre l'autorité? Non. Il a dit je ne reste pas sur une terre sur laquelle tu restes. Et il est parti. Donc il lui fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici? Al-Hajar. Al-Badani. Al-Billi. اللسان؟ لا، جزئي فقط. Il était obligé de lui parler pour lui ramener le hadith. Il est parti jusqu'à ce qu'il est retourné chez Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, attends, laisse-moi, je te raconte. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé avec Muawiyah. Il lui a raconté, Omar ibn Khattab, il a écrit une lettre en lui interdisant ce genre de commerce, conformément au hadith du prophète, alayhi salat wa salam. Chose qu'il acceptera juste après. وأسند الحافظ ابن عبد البر أثرا أيضا في التمهيد. Ça c'est une autre version. Celle de ابن عبد البر في التمهيد شر الموطأ. عن عبادة رضي الله عنه. Cette fois-ci c'est avec عبادة. أنه أنكر على معاوية رضي الله تعالى عنهما جميعا شيئا من ذلك. وقال له معاوية مثل ما قال لي أبي درداء. فقال له عبادة لا أساكنك بأرض أنت بها. Il lui a répondu la même chose. La même chose qu'il avait dit à Abu Darda. ورحل إلى المدينة. Il est parti de Medina. فقال عمر ما قدمك. فأخبره قال ارجع إلى مكانك. Il lui a dit reviens d'où tu viens. Retourne là-bas. Mais regarde la dua qu'il va lui faire. قبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك. يعني كالله إلا إلا نيانتيس une terre sur laquelle toi tu n'es pas et les gens comme toi. وكتب إلى معاوية. Et Omar il a écrit la lettre à Muawiya. Il lui a écrit quoi? لا إمارة لك عليه. لا إمارة لك عليه. عليه عليه على هذا الصحابي. Tu as l'autorité, mais pas sur lui. Parce qu'il est venu avec hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et t'as refuté le hadith. Tu ne l'as pas accepté. Tu as fait passer ta vision des choses avant cela. Alhamdulillah, quand il a reçu la lettre Muawiyah de Omar ibn Khattab, il a accepté. Il a accepté. الشاهد من هذين الأثرين. Donc ressort de ces deux athars qu'on vient de ramener. قول كل من الصحابيين لمعاوية رضي الله عنه لا أساكنك أرضا أنت بها فلا يمضر إلى المصلحة الخاصة إنما نظر إلى المصلحة العامة. Donc ici Abu Darda, est-ce qu'il a regardé la maslaha khassa ou amma? Al-amma, général. Lorsqu'il a dit je quitte cette terre, je ne reste pas sur une terre sur laquelle toi tu es. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer en vérité? Il a eu peur que ce qu'il a ramené ici Muawiyah, ce qu'il a dit Muawiyah, étant donné qu'il était émir, que les gens tout autour allaient le suivre. Dans cette façon. مع أن معاوية هو الأمير وأقوى منهما وهما من الرعية. Sachant que Muawiyah, là, il avait un degré au-dessus d'eux. Il était l'émir et eux, ils étaient sous sa tutelle, sous sa responsabilité, sous sa législation. قال الحافظ ابن عبد البر مستنبطا قوله عبادة لا أسكنك بأرض أنت بها وقول أبي درداء على ما في الحديث في حديث زيد بن أسلم يحتمل أن يكون القائل لذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده. Tout simplement, c'est quoi? C'est qu'il a eu peur pour lui de rester sur une terre où on a fait passer la raison avant le hadith, avant le hadith du Nabi alayhi salat wa salam. Chouf hubb al-sunnah. Ça, c'est hubb al-sunnah. C'est ça, salaf al-ummah. Regarde où ils sont, eux, regarde où ils sont, on est. Hum salaf salih. وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه ولم يسمع منه ولم يعطيه وخاف أن يدل غيره، وليس هذا من الهجرة المكروهة. Donc ça veut dire qu'il est permis de faire le hajar de quelqu'un. D'accord ? Parce que tu as peur de tomber dans le même égarement que lui, ou de tomber dans l'erreur dans laquelle il est. Ainsi, tu ne veux pas écouter de lui, tu ne veux rien avoir à faire avec lui, et tu as peur que lui-même, il égare d'autres personnes. Donc ici, ces deux sahabi, as-sahabiyan, devant Muawiya, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pensé à maslahatu amma, avant maslahatul khassa. Est-ce qu'ils ont pensé à Muawiya en disant non mais Muawiya quand même émir kada ou kada? Non, moi je ne reste pas sur une terre sur laquelle tu es. Tu as réfuté hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et tu as fait passer la raison avant. Et de peur que ce mal il me touche et de peur qu'il touche les gens, je vais leur montrer et je pars. Et il est parti voir Omar al-Mukhattab radiallahu anhu. وهذا أصل عند العلماء في مجانبة أهل البدع وهجرانه وقطع الكلام معهم، وقد حلف ابن مسعود رضي الله عنه ألا يكلم رجلا راه يضحك في الجنازة. عبد الله بن مسعود il a juré qu'il ne parlerait pas à un homme qu'il voit en train de rigoler dans le janaza, c'est-à-dire lors d'une prière mortuaire. Yanni, pourquoi ? Pour montrer aux gens, ne faites pas comme cet homme-là. On ne rigole pas dans le janaz. Hein ? Al-maslahatu amma. Al-maslahatu al-amma, yanni général. Il est à quelle heure prochain cours, c'est à quelle heure? Hein? C'est qui fait après? C'est qui le frère qui fait juste après? Alors là, quand il viendra, on arrêtera. إذن هل الهجر يسقط عند عدم القدرة أو لا يسقط؟ تسقط بعض صوره، لكن الأصل وهو الهجرة بالقلب لا تسقط أبدا، لا تسقط أبدا. إذا كنت عاجزا عن أداء الصلاة جماعة أسقط الله عنك هذا لمرض أو نحوه، لكن هل تعزم العقد في القلب على ألا تصلي؟ هذا لا يسقط عنك، بل يجب عليك أن تعتقده وجوبها عليك، لكن منعك منه مانع. دونك est-ce que il faut que tu aies une place élevée dans la communauté pour faire la hajar, ou bien ça peut être n'importe qui de la umma qui est concerné par la mas'ala? Tout le monde est concerné par la mas'ala. Tout le monde est concerné par la mas'ala. Seulement parfois tu vas avoir quoi, ce qu'on appelle al-mani', un empêchement. Il y a quelque chose qui vient faire en sorte que je ne peux pas. Mais au minimum, on a dit quoi ? Al-hajr fil as, c'est quoi ? Al-qalb. Au minimum, c'est quoi ? Si tu ne peux pas faire le hajr bil-lisan, par la parole, tu ne peux pas faire le hajr bil-badan, par le corps, au minimum, tu es obligé de la faire par quoi ? Bil-qalb. C'est pour ça que Cheikh Abdallah ici donne l'exemple. Toi, tu as la conviction qu'on doit faire, qu'il est obligatoire de faire la prière en jama'a, en groupe. La prière obligatoire en groupe. Le jour où tu es malade, ou bien tu as une excuse shar'i qui fait que tu ne peux pas le faire. Ça veut dire quoi ? Tu as un empêchement. Ça veut dire que tu ne peux pas te rendre à la jama'a, à la prière en groupe. Tu es malade, tu ne peux pas y aller. Est-ce que c'est pour autant que tu vas réfuter de ton cœur l'obligation de faire le jama'a? Al-jawab, la réponse, c'est non. Kadhalik al-hajar. Je ne peux pas faire le hajar avec le corps. Je ne peux pas faire le hajar bil-lisan, avec la parole. Au minimum, tu es obligé de croire que dans ta croyance, tu es obligé de faire le hajar bil-qalb. Bil-qalb. Donc en vérité, le hajar, si tu regardes bien, elle concerne tout le monde. Il y a celui qui est capable de la faire bil-lisan ou bil-badan ou bil-qalb. Il y a celui qui est capable de la faire bil-badan. Celui qui est capable de la faire bil-lisan. Et il y a celui qui est capable de ne la faire que par bil-qalb. Hada. Fahimtum? Et ce qui tourne à peu près dans la... dans la même mas'ala, قال شيخ عبد الله البخاري حفظه الله ان قوه الهاجر من حيث كونه احد الولاة العلماء والامراء مما يزيد في ردع المخالف وزجره يزيد لا شك انه قوي كما هو مستفاد من قصه الثلاثه الذين خليفوا فالنبي عليه الصلاة والسلام هجرهم وأمر بهجرانهم وامتثل الصحابة لذلك لكن هل يرتقي هذا الأمر أن يكون شرطا أو ضابطا لا بد من تحقيق من تحققه وإلا فلا يشرع الهجر الجواب كلا لا يرتقي أبدا. Est-ce qu'il faut être un imam ou faire partie de walat al-umur, ceux qui détiennent le commandement, pour faire le hajar? Forcément, la réponse est non. Al-Nabi alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a ordonné pour les trois, et parmi eux Ka'b ibn Malik, de faire le hajar, est-ce qu'il s'est adressé seulement à ceux qui avaient une responsabilité dans la umma ou il s'est adressé à tout le monde? Il s'est adressé à tout le monde, sans exception, même leurs épouses. Est-ce que tous les compagnons, ils avaient une place hiérarchiquement? Non. Ce que Shir ici, il parle, c'est que certains, ils ramènent cette règle, ils en font une qa'ida. C'est qu'il faut avoir une place dans la umma pour pouvoir faire le hajar de quelqu'un. Yani, ils te diront, toi, tu ne peux pas faire le hajar. Il n'y a que l'imam qui fait le hajar. Cette règle-là, elle vient d'où? Dans tous les akhwals de l'ulama qui ont été ramenés, dans tous les akhwals de salaf qui ont été ramenés, jamais cette condition n'est venue. Elle n'a jamais été rapportée. Donc ça veut dire ce qui n'existe pas chez salaf n'existe pas chez nous. Si eux, ils avaient jugé qu'il fallait avoir une responsabilité pour pouvoir faire le hajar de quelqu'un, ils l'auraient ramené cette condition. Parce que le hajar, il a été légiféré par Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si Allah Azza wa Jal nous aurait donné une condition en plus de ce que l'on connaît, on l'aurait su, elle aurait été dans Sharia, elle aurait été ou bien fait le kitab ou fait sunna. Et le salaf, il l'aurait ramené. Et l'ulama de la sunna, il l'aurait ramené aussi. Alors à chaque fois qu'il a été question de le hajar, jamais aucun d'entre eux n'a ramené cette condition qu'il fallait avoir une responsabilité dans la umma pour pouvoir faire le hajar. Parce que si tu viens avec cette règle-là, ça veut dire que celui qui veut se mettre à l'abri, il n'a pas le droit de faire le hajar. Il n'a pas le droit de se mettre à l'abri, celui-ci. Donc ça vient contredire les bases de la sunna. قال الشيخ إنه قد غفل عنها الكثير ممن يتكلم في هذه القضية أو يتكلمون أو يكتبون وهو عدم التفريق بين الدعوة إلى الهجر دعوة العمة لإيقاع الهجر وبين إيقاع الهجر بين الدعوة إليه وبين إيقاعه ما يفرقون ولا يفتنون إلى هذا. Les gens qui parlent sur ce sujet sont nombreux, mais qui ramènent en vérité leurs propres règles. فمثلا مر معنا موقف أبي دردة وعبادة من معاوية رضي الله عنهم أجمعين. L'histoire que l'on vient de ramener, l'athar avec Abu Darda et Ubada et Muawiya. كلاهما يقول لا أساكنك بأرض وأنت فيها. Si on regarde bien et on analyse bien, les deux compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont restés? Est-ce qu'ils sont restés avec Muawiyah quand ils ont entendu ça? Non. Ils ont fait le Hajar. Ils ont dit, je n'habite pas, je ne reste pas sur une terre sur laquelle tu es. Wa ma'a dhalika, ma'a dhalika, lam yarji' Muawiyatu amma huwa alayhi illa ba'da an kataba lahu Umar. فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَجْرِهِمَا وَلَا تَقُلْ هُمَا صَحَابَةٌ أَقْوِيَّاهُ. Malgré ça, il n'est pas revenu, Muawiyah, sur ce qu'ils ont dit eux, jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre d'Omar. Et ne dit pas que ces deux compagnons, أَقْوِيَّاهُ, qu'ils avaient une place élevée, qu'ils avaient une responsabilité. طيب لأنه صحابي وقوي أيضا بل فيه قوة أكبر إذ هو أمير عليهما فهما لم ينظرا إلى انتفاع كما مر معنا في كلام ابن عبد البر قال وخشيا أن يدر غيره نظر إلى هذا إلى المصلحة العامة فلم يشترط القوة ولا يعرف أنه شاركهما رضي الله تعالى عنهما أحد في هجر معاوية. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ne dis pas qu'ils avaient, yani, une force, une puissance ou une responsabilité par rapport à ça. Et que la responsabilité de Muawiyah, elle était plus grande parce qu'eux deux, ils étaient sous l'autorité de Muawiyah. Donc ça prouve bien que cela ne concerne pas seulement l'émir, mais que ça concerne l'Hajar, que ça concerne tout le monde. وأيضا قال الإمام يحيى ابن معين قرأت على أصبع عن عبد الله بن وهب عن مالك قال سئل الإمام مالك عن أهل الهوى يسلم عليهم قال أهل الأهواء قوم سوء لا يسلم عليهم واحتزالهم أحب إلي فأنت ترى جواب الإمام مالك كان مطلقا ولم يشترط القوة من عدمها. Et ça dans tous les rois de Salaf, pas que l'imam Malik. Ils lui ont posé la question, est-ce qu'on passe le salam aux gens de la passion? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ahlul hawa qawmun su. Ce sont des gens mauvais. La yusallamu alayhim. Alayhim. Ne leur passe pas le salam. Et les éviter est mieux pour moi, est plus aimé pour moi. Barakallahu fik. Est-ce qu'il a raconté, est-ce qu'il a dit, mais toi t'as pas de quoi, donc ne le fais pas. Non. Mutlaqan. La tusallamu alayhim, mutlaqan. Est-ce qu'il a mis cette condition qu'il fallait une quoi, qu'il fallait être capable, qu'il fallait une puissance, qu'il fallait avoir une autorité pour pouvoir faire le hajar de quelqu'un ou d'un groupe? Là. Parce que sinon, comme on a dit, comme ils ont dit le ulama, si tu dis ça, ça veut dire que le simple musulman qui malheureusement a affaire à un groupe qui sont dans le bid'a ou dans les grands péchés, tu peux pas lui interdire le hajar à lui. Tu peux pas lui dire de faire le hajar. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une autorité. Ou bien tu vas lui dire, ça sert à rien, tu vas le faire, ces gens-là ils vont rester dans ce qu'ils sont. Mais barakallahu fik, si lui veut se mettre à l'abri, comme il a fait Abu Darda, il n'a pas le droit? Donc toi tu deviens la cause que lui il reste avec ces gens-là et ensuite il sera parmi ces gens-là. Parce que tu lui as interdit le fait de se préserver. Vous avez compris? Oui. على قصة كعب بن مالك، ومن هنا فهم أهل العلم من شراح الحديث أن القصة تفيد عموم إيقاع المرء المسلم الحجر على المخالف تحقيقا لمقاصد الشرعية من ذلك والتي مرت إما جميعا أو بعدها، ولم يفهموا منه هذا الشرط. Tous les ulama qui ont fait l'explication du hadith qui concerne Ka'b ibn Malik, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les compagnons ils ont fait le hajar de lui, il n'y en a aucun dans son char qui a dit que cette condition-là, elle existe, ou bien qui ont ramené cette condition. Aucun. فمثلا قال الحافظ ابن عبد البر قال مستنبتا في دليل على أنه جائز أن يحجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة ويرجو أن يكون في جيرانه تأديبا له وزجرا، وقال وجائز أن يحجر من لم يسمع منه ولم يعطيه، وليس هذا من الهجرات المكروهة. ثم ذكر حديث كعب وقال وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجراته وقطع الكلام معه. خلاص في زيادة بشرط؟ لا مطلقا. Est-ce qu'il a rajouté quelque chose? Tout ça, Allah, on les a déjà lu. Comme quoi, c'est permis de faire la hijra parce qu'ils sont dans le bid'a, parce qu'ils sont dans le fahisha, parce qu'ils sont dans les grands péchés, etc. etc. Et aucun d'entre eux parmi les ulama de la sunna n'a ramené cette condition, cette règle qui est qu'il faut avoir al-quwwa pour faire la hijra. هذا هو على كل حال الحمد لله انا essayé de résumer parce qu'en vérité c'est un audio de Cheikh Abdallah Al-Bukhari, ensuite il a été retranscrit mot pour mot en écrit fait à peu près 80 pages. Vous pouvez le retrouver sur internet bi'idhnillah ta'ala, vous marquez le Hajar Cheikh Abdallah Al-Bukhari, vous allez trouver inchallah en PDF. À la coulée, le Cheikh, alhamdoulilah, muhafidhahu Allah, il a bien décrit, bit tafsil, avec détail, mas'alatul hajar. Pourquoi? Parce que c'est une mas'ala où beaucoup de gens veulent faire le hajar, mais quelquefois, comme on a dit, ils le font mal. Et il y a plus de mal qu'autre chose. Et avant de faire une chose, il faut bien la comprendre. Il faut bien la maîtriser. Il faut bien la maîtriser. Et c'est une mas'ala où parfois même elle ramène des conflits بين السلفيين بين أهل السنة. Or il y a celui qui a compris le mas'ala et celui qui n'a pas compris le mas'ala, qui ne la connaît pas. Donc il se doit d'apprendre avant. Walhamdulillah. Est-ce qu'on va dire que le hajar ça n'existe pas? Non, ça existe. Fari. Il kitab wa sunnah. Est-ce qu'on va dire qu'il faut faire le hajar à tout va, comme on entend à droite à gauche? Non. Est-ce que toi tu es apte à juger de le hajar si tu ne sais pas ce que tu dois faire le hajar de la personne? Est-ce que c'est toi tout seul, Bil Jahel, qui va essayer de faire les choses? Non. C'est-à-dire tu vas demander au ulama et dire voilà. Dans ma famille, ou dans la mosquée où je suis, ou avec les gens avec qui je travaille, voilà ce qui se passe. Il y a ça, ça, ça, ça, ça. Cheikh, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je fais le hajar de cette personne ou de ce groupe? Et voilà les données que j'ai données. Voilà, il t'a donné toutes les informations. Sur toi, sur eux. Est-ce que tu crains pour toi ou est-ce que tu crains pas pour toi? Et là, le cheikh, il va te répondre. te précipite pas. L'ajalatu min ash-shaytan, comme a dit le Nabi alayhi salat wa salam. La précipitation, elle vient du diable. Combien on a vu de cette mes'ala, hein, de l'hajar, à tout va. Jusqu'à ce que même un salafi, là, il n'y a un salafi. Nous farriqu bayna tamyiz. قال الشيخ الرابع ابن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه الله بين السلفي عنده اخطا السني عنده اخطا السلفي عنده اخطا السني عنده اخطا وبين المبتدع. Faut bien différencier entre quelqu'un qui est à la sunna, qui est connu pour être à la sunna, qui défend sunna, qui donne des efforts pour préserver sunna, pour radd ala al-mubtadi, mais qui a fait des erreurs ou qui a des erreurs. Faut bien différencier entre ça, celui-là, et celui qui quoi ? Qui est totalement dans le bid'ah. Wa huwa mubtadi'. Qui appelle à sa bid'ah ? Qui est dans sa bid'ah même s'il ne l'appelle pas ? Il est convaincu que c'est sa dîn. Celui-là et celui-là, ce n'est pas les mêmes. Celui-là et celui-là, ce n'est pas les mêmes. Même fi bab an-nasiha, ce n'est pas la même chose. Et cela n'empêche pas que même s'il est à la sunna, que tu réfutes l'erreur. La baisse, il n'y a pas de mal à ça. Même s'il est à la sunna. Et lui, bidnillah, il saura que réfuter l'erreur, c'est tout à fait normal. Que c'est tout à fait normal. Si on vient et on lui dit, oui, tu sais qu'ils ont parlé de toi, tu avais dit ça, ça, ça, et il a réfuté les erreurs. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, qu'Allah il a envoyé des gens comme ça pour réfuter l'erreur. Comme ça, les gens ne partiront pas avec mon erreur. En vérité, tu as rendu service. Et en plus, il t'a montré que tu t'es trompé. Donc, ce qui permettra de revenir. Donc, cette mes'ala, on a fait ce qu'on peut pour essayer de la résumer véritablement. Hein? Après, iqamatul hujja, rapporter la preuve. Par exemple, s'il y a quelqu'un, on veut lui faire la hajar parce qu'il est dans un état où on peut lui faire la hajar. Est-ce que toi t'es apte, il faut voir est-ce que toi t'es apte à lui rapporter al-hujja, à lui rapporter la preuve ou pas. Pourquoi? Parce que iqamatul hujja bil ilm wa basira. Il faut du ilm pour montrer que la personne s'est trompée, il faut du ilm. Et il faut du ilm pour réfuter, corriger l'erreur aussi qu'elle a fait. Mais il se peut que le commun des musulmans, il fasse le hajar de telle personne, même sans lui rapporter le hujja, même sans lui rapporter la preuve. Pourquoi? Parce que lui, il veut se préserver pour l'instant. Mais il n'a pas les moyens de rapporter le hujja. Donc il ira voir quelqu'un d'autre pour ramener le hujja. S'il a les moyens, lui, de ramener le hujja, qu'il lui ramène le hujja. Tant mieux. S'il a l'ilm ou le basira, il sait que la personne, ce qu'elle fait, c'est grave et c'est pas bien. Il veut lui faire le hajar, il lui fait le hajar. S'il veut lui ramener le hujja, qu'il lui ramène le hujja, s'il a les moyens. S'il n'a pas les moyens, il veut se préserver, il fait le hajar. Parce qu'il n'a pas les moyens de ramener le hujja. Est-ce que tout le monde est apte à ramener des preuves? Est-ce que tout le monde est apte à chercher dans l'ilm? Non. Ou il sait, il lui ramène, ou il ne sait pas. Il sait que ce qu'il dit c'est faux, mais il n'a pas les arguments pour. Et il a même peur qu'il va lui mettre shubha. Et bien il part, et il le laisse. Comme ça il s'est préservé. Et rien ne l'empêche d'aller voir quelqu'un d'autre qui a du ilm pour répondre à ses shubhat, à celui-là. Ou bien d'aller le nasah. Ou bien de lui faire rat. Yaruddu alayhi. Pour couper court aux erreurs qui ont été données. Mais il faut bien garder cette chose-là, c'est quoi? Al-Hajar, c'est quoi? Ça ramène le khir, le bien. Ce n'est pas pour ramener le fitna, ce n'est pas pour ramener un mal. C'est fait pour préserver la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est l'un des moyens qu'Allah a légiféré pour préserver la religion. On parle de religion. Avant de penser à la personne, pense d'abord à quoi? Ad-Din. Comme il a dit l'Aouzaï. Il est est question de din là. Voilà pourquoi il lui a passé là. Et on ramène pas cette mas'ala pour faire le fitna. Tu peux pas convaincre tout le monde. Tu trouveras des gens. Le Hizbiyoun qui parleront. Ils ont ramené le Hajar pour faire la fitna. Regarde encore, ils veulent diviser. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé. Mais il a divisé bil haqq. Comme il a dit dans le Sahih al-Bukhari, farqun bayna an-nas. Farraq an-nas. Il a divisé les gens. Il a divisé les gens. Il a divisé بين الموحد والمشرك. بين السني والمبتدع. بين الرجل الصالح وأهل المعاصي. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a divisé les gens du paradis et les gens de l'enfer. Est-ce que c'est les mêmes, les gens du paradis et les gens de l'enfer? C'est les mêmes? C'est pas les mêmes. Mais cette division, elle est faite par la vérité. Par la vérité. Il y a celui qui suit la vérité et celui-ci, c'est pas lui qui fait la division. Celui qui fait la division, c'est qui? C'est celui qui quitte. C'est celui qui quitte le droit chemin. C'est celui-là qui fait la division. Tu dis le kitab wa sunnah, c'est là. Lui va à droite, il va à gauche. Taqillah. Là, t'es sorti. Retourne à la sirat mustaqim. Non, mais là, il y a du khir, c'est bien ce qu'ils font. Barakallahu fik. Avec quoi t'as jugé que c'était bien? Avec quoi? Avec le kitab ou le sunnah, ou bien t'as jugé bil'aql, avec ta raison. Toi, t'es apte avec ta raison de dire ce qui est bien, ce qui est mauvais? Non. Ce qui est bien, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a légiféré. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a prévenu contre ça. Al-khayru kulluhu fil ittiba'. Tout le bien, il est dans nous. Le suivi. Pour revenir sur une chose aussi, comme il est question là, lorsque les savants ils disent, par exemple, de ne plus aller chez un tel, de ne plus prendre la science d'un tel, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de terre, ça ne veut pas dire qu'ils ont dit mubtadi', bal. Non. S'ils l'est, ils le diront. S'ils l'est, ils le diront. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, tu t'arrêtes, tu n'y vas pas. Pourquoi? En attendant qu'il y ait des éclaircissements par rapport à des paroles qui ont été dites de sa part. Par rapport à des faits. Il a dit ou fait des choses qui méritent un éclaircissement. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait ressemble à des dires et des faits des gens de l'innovation. Donc, ils attendent quoi? Un éclaircissement de sa part. Donc, ils te diront pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'y va pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. S'il est vraiment dans le dalal mubin, jamais te diront. Foulin, min ahlil bid'a wal hawa, qal fi kitabihi kaza wa kaza wa kaza. Il a dit dans tel cours, ta ta ta ta ta. Dans tel livre, il a écrit ta ta ta ta ta ta. Et ça, c'est la qaïda de dantel et dantel et tel jama'a, tel jama'a. Ils te diront, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça qu'on apprend aussi bi'kutub al-rudud. Le Coran, il y a le rudud dedans. Allah Azza wa Jal, il a réfuté des choses dans le Coran, dans sa propre parole, tabaraka wa ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réfuté des gens et des choses aussi. Jusqu'à ce que même Allah subhanahu wa ta'ala, il ait cité des noms. Abu Lahab. Pourquoi il te cite Abu Lahab? Pourquoi il te cite Pharaon? Pour ne pas les suivre dans leur chemin. Est-ce qu'il n'y a que des éloges dans le Coran? Est-ce qu'il n'y a que des éloges dans le Sunnah? Non, il y a des éloges, comme il y a aussi des critiques. Personne ne peut contredire ça. Allah tabaraka wa ta'ala, il a montré des gens qui sont sur le mauvais chemin, il a montré leur faux chemin. Comme il a montré le bon chemin, il a nommé les meilleurs parmi les gens, les prophètes, alayhim salat wa salam, ou des anges, dans le Coran. Hada huwa. comme si la réfutation n'existait pas, comme s'il faut se taire sur tout. Comme il a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, si un tel il se tait, un tel il se tait, un tel il se tait, moi je me tais. Comment le genre, la personne qui est de la masse parmi les musulmans connaîtra le vrai du faux? Comment? S'il n'y a plus un nez à le monde car. Après, il est vrai que certains, par manque de science, par précipitation, vont interdire le blâmal, mais pas correctement. Ou bien sans science, ou bien il apporte un jugement qui n'était pas valable, ou autre. Il peut y avoir plusieurs raisons. Et c'est vrai que ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. On ne le cache pas, ça. Mais la vérité, c'est la vérité. Al-haq, c'est al-haq. Et on ne va pas changer la vérité à cause de certains comportements de personnes. Ce n'est pas les gens qu'on suit. C'est al-haq qu'on suit. Comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans son conseil aux convertis, il a dit, ne regardez pas les musulmans, regardez an-nusus, les textes. Il a même ramené l'exemple d'une personne qui... C'était une personne qui était dans le jahiliya, c'est-à-dire quand elle vivait dans le coffre, elle était dans la danse. Et la personne, elle explique qu'elle s'est retrouvée avec des musulmans en train de danser. Soufiya. Parce qu'ils tournent là comme ça, comme des toupies. Et elle a dit quoi la personne? Elle a dit, subhanallah, j'ai quitté le coffre où je dansais, je me retrouve dans l'islam en train de danser. Jusqu'à ce qu'elle découvre la sunna. Pour ça, chérie, il a dit quoi? Regardez an-nusus. Regardez les textes. Mais Ahlul Bida'a, là, ils aiment bien critiquer Al-Sunna. Regarde les frères, qu'est-ce qu'ils font? Regarde les frères, qu'est-ce qu'ils font? Regarde les frères, qu'est-ce qu'ils font? Eh, na'am, les frères, ils font. Et alors? Al-Haq, c'est Al-Haq. On t'a pas demandé de regarder les frères, qu'est-ce qu'ils font? On t'a demandé de regarder an-nusus, les textes. Et pour avoir la compréhension des textes, de te retourner vers des gens de science, pas vers le jahil. Il se peut que tu trouves quelqu'un, il est parmi les gens de la sunna, mais il est ignorant. Est-ce que c'est tous les gens de la sunna qui sont à l'ilm? Non, il y a des gens de la sunna qui sont ignorants, ils ne savent pas. Il est à la sunna, mais il ne sait pas, il est ignorant. Et pas sous prétexte qu'il a fait telle chose ou telle chose ou telle chose, tu remets en cause un manhaj tout entier, un fahm, une religion entière, tu la remets en cause à cause de ça. Comme ceux qui ne sont pas dans l'islam et qui remettent en cause l'islam à cause de certains musulmans qui font des choses. Là, an-nusus, il faut regarder les textes. Mais Ahlul Bida'a, ils aiment bien critiquer les frères qui sont à la sunna. Dans tout. Ils ne se contentent même pas de critiquer dans le din, ils se contentent même de critiquer dans le fil umur dunyawiya. Dans le mariage, ils sont comme ça. Dans ceci, ils sont comme ça. Taïb, enlève-les ceux-là. Ceux qui sont à la sunna et qui sont corrects, pourquoi vous n'en parlez pas? Ils sont où ceux-là? Ils n'existent pas? Et même s'ils étaient dans les péchés, barakallahu fik, qala l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qubur ahli sunna min ahli al-kabair, rauda, yani rauda min al-jannah. Les tombes des gens de la sunna, le muslim sunni, leur tombe, mais qui étaient parmi les gens des grands péchés, ils faisaient des grands péchés. Al-kabair, c'est pas rien. Raudatou, sont des jardins du paradis. C'est nous qui l'avons inventé ça. Imam Ahmed ibn Hanbal. T'as quelque chose à critiquer chez ton frère, bah, va le voir. Va le voir, t'en sah là. Conseille-le, Inch'Allah. Dis-lui, t'es un sahib au sunnah. Et tu sais très bien que la sunnah, c'est ce qui est de plus sacré pour nous. Fais pas telle chose ou telle chose ou telle chose. Autorok hada, barakallahu fik. Irdi'a. La touba ila Allah azza wa jalla. Reviens à l'al-haq, barakallahu fik. Et c'est tout. Simple. Mais de le critiquer sur son manhaj, ou de critiquer le manhaj, manhaj sunna, à cause du comportement d'un tel ou d'un tel. Qala l'imam Ahmed kadhalik. Al-fasiqu. Yani sahib al-kabair. Min ahli sunna, min awliya illah. Chouf. Ta'zim sunna. احترام السنة. Les gens de la sunna, le frère il est à la sunna, l'ukht elle est à la sunna. Mais elle a des manquements. Oui, il a des manquements. Il commet des péchés. Et là, il parle des grands péchés. Le fasiq. Il est parmi les alliés d'Allah. Eh oui, parce que peut-être parce qu'il est à la sunna, peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tahta mashiyatillah. Il est sous la volonté d'Allah. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal, finalement, il va lui pardonner ses péchés parce qu'il était à la sunna. Le fait qu'il soit à la tawhid ou à la sunna, Allah Azza wa Jal en est tellement satisfait de cela pour la personne. Il est sous la volonté d'Allah. Peut-être qu'il lui pardonnera ces péchés-là. C'est ce que tu peux espérer en étant à la tawhid ou à la sunna. هذا هو النصوص. Faut regarder les textes, faut rester avec les textes. Et les textes, c'est ni toi ni moi qui allons sortir des règles comme ça. C'est l'ulama, c'est le mashayikh, ça c'est pas nous. هذا هو هذه النصيحة. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم. Ne mettez pas les cours sur internet. Il y a un frère qui les mettra sur internet, mais les cours, si vous voulez, vous les donnez à des frères, pas de souhait, mais vous ne mettez pas sur internet.